aussi. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Bien belle bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM avec vous jusque 10h30 Scream pour l'émission Backstage. Ah, ça fait du bien de faire une transition comme ça avec Roger Hodgson, ancien chanteur de Supertramp, quand même. Alors, aujourd'hui, le backstage, on va se plonger dans les années 1981 avec John and Vangelis. Vangelis, vous connaissez tous avec les chariots de feu. Mais là, je vais plutôt vous parler d'un album qui s'appelle tout simplement The Friend of Mr. Cario. Donc, un album qui était sorti en 1981 et une petite nouveauté maintenant va se greffer à Backstage. On va un peu pour essayer un peu de vous remémorer un peu les années dont les sorties d'albums sont présentées. Donc là, 1981, je vais vous donner quelques dates clés à chaque fois, entre chaque interlude, éventuellement une date comme ça, qu'est-ce qu'il s'est passé en 1981, et vous allez vous dire, ah oui, c'était cette année-là, comme chantait Claude François, mais on ne parlera pas de Claude François. Alors, on va d'abord commencer avec un titre de cet album, donc qui s'appelle tout simplement The Friend of Mr. Cario, de John and Vangelis. On va s'écouter I'll Find My Way Home. Et on se retrouve tout de suite après pour rentrer dans le vif du sujet, les amis. Backstage, les coulisses du son. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question. Sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. Talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Voilà donc extrait donc de ce premier extrait donc tout simplement qui s'appelle simplement I File My Way Home, extrait de l'album The Friend of Mr. Cario de John Evangelis. Alors juste pour vous dire, si vous ne connaissez pas encore Evangelis, hein, ça se reconnaît quand même fort à son son bien particulier et son électronique quand même. Hein, mais je vais un peu d'abord vous dire qui est John Evangelis, plutôt Evangelis, et après sa biographie, l'enfance, ses débuts, et puis après on arrivera tout doucement, comme d'habitude, à l'album. Alors, je vais pas vous le dire en grec parce que je vais essayer pour vous faire plaisir. Hein. Evangelos. Odysseas Papathanasios. Donc voilà, plus connu sous le nom de Vangelis Papathanasios. Donc c'est quand même plus facile, ou simplement Vangelis. Diminutif d'Evangelos, à prononcer Vangelis. Voilà, donc là vous savez tout. Né le 29 mars 1943 à Volos en Grèce, est un musicien connu dans le domaine de la musique New Age et électronique. Ses compositions les plus connues sont la musique du film Les Chariots de Feu, qui a reçu l'Oscar de la meilleure musique en 1981, la bande originale du film Antarctica, ainsi que la totalité de la bande originale du film Blade Runner et de 1942, Christophe Colomb et Conquest of Paradise. Il a également composé l'hymne de la Coupe du Monde de football 2002, au même titre que le français Jean-Michel Jarre, que les Belges de Telex et que les Allemands Klaus Schulze, Questfork et Tangerine Dream. Vangelis est reconnu pour avoir été l'un des pionniers de la musique électronique au cours des années 1970. En plus du grec, il parle anglais et français. On va s'écouter un deuxième titre de Vangelis avec State of Independence. On se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. Voilà, donc c'était le deuxième extrait de cet album de John and Vangelis. Et c'est bien, ça se termine un peu comme si on était en Caraïbes, hein, aux Caraïbes. Alors, avec donc le titre State of Independence, extrait de l'album The Friends of Mr. Carey. Donc, je vous l'avais dit, on va un peu se reprendre des points de repère de 1981, parce qu'il s'agit d'un album de 1981. Bon, en 1981, le 9 février, nous quittait Bill Haley, chanteur et guitariste américain de rock. Bill Haley, qui avait formé entre autres Bill Haley and the Comet avec Rock Around the Clock et des choses comme ça. Le 20 janvier, par exemple, la libération des otages américains de Téhéran et les relations internationales en 1981 a été proclamée année internationale des personnes handicapées par l'Assemblée générale des Nations unies. Chaque fois, je reviendrai un petit peu avec des choses qui ont marqué 1981, comme ça on va prendre un peu des points de repère. Alors, l'enfance et les débuts de Monsieur Vangelis, hein. De 43 à 1970, Vangelis naît le 29 mars 1943 à Volos. Il commence à composer à 4 ans. Vous imaginez, à 4 ans, il commence déjà à composer et joue ses propres compositions en public à l'âge de 6 ans. Donc, précoce le gars quand même. Hein. C'est un autodidacte et il a refusé d'apprendre le piano de manière traditionnelle. Et il a mené toute sa carrière sans jamais avoir eu connaissance approfondie du solfège. Il a étudié la musique classique, la peinture ainsi que la réalisation de films à l'Académie des Arts d'Athènes. Début des années 1960, il devient l'un des membres fondateurs du groupe de jazz The Formix, qui connaît un grand succès en Grèce. Simultanément au soulèvement étudiant de mai 1968, il vient à Paris et monte le groupe de rock progressif Afraid Child, si vous vous souvenez, avec Dimis Roussos et Lucas Sanderas, avec un grand titre que tout le monde connaît, The 90s. Leur plus gros tube en Europe reste incontestablement Rain on Tees, donc je vous disais justement. Le groupe se sépare en 1970, donc 1970, et Vangelis termine seul leur dernier album intitulé 666, bien que Dimis Roussos ait fait quelques apparitions sur les travaux suivants de Vangelis. Je vais vous faire aussi la partie sur 1970-1981 de Vangelis. Vangelis a commencé sa carrière solo en composant la bande originale du film Sex Power de 1970 réalisé par Henri Chapier, puis celle du film du réalisateur français Frédéric Roussif en 1973, et en 1972, il a sorti l'album concept « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit » dont certains éléments ont été enregistrés lors des événements de mai 68 en France. Son premier album solo officiel, Earths, a été réalisé en 1973 sous le nom de Vangelis O. Papa Thanasius. Durant l'été 1974, il a répété durant 2 semaines avec un autre groupe de rock progressif, Yes. Après le départ de leur claviériste Rick Rockman, Vangelis n'a finalement pas rejoint le groupe, mais est devenu très ami avec le chanteur John Anderson, avec qui il travaillera ensuite à plusieurs occasions sur l'album Heaven and Hell en 1975. John Anderson chante le morceau So Long Ago, Song Clear, puis pour la bande originale du documentaire Opéra Sauvage en 1979. Anderson joue de la harpe sur le dernier morceau Flamant Rose. En 1981, il chante sur 2 morceaux de Say Your Letter sur le nom de John and Vangelis. Ils sortiront 4 albums qu'ils écrivent, composent et intègrent. Short Story en 1980, The Friends of Mr. Cario, donc c'est son autre album en 1981, Private Collection en 83 et enfin Page of Life en 1991. Après avoir déménagé à Londres, Vangelis a signé un contrat avec RCA Records, monté son propre studio, Nemo Studio, et a commencé à enregistrer une série de disques de musique électronique qui ont reçu un excellent accueil. La musique du célèbre album sorti en 1975, Heaven and Hell, fut utilisée en 1980 comme thème de la série télévisée de PBS Cosmos, diffusée en 1981 sur Antenne 2, et dans le film de Moïse Matouk, Le Dîner des Busters, en 88. Alors, on va s'écouter le troisième titre de cet album, sorti en 1980, de John and Vangelis. Donc, l'album s'appelle The Friend of Mr. Cario. Et on va s'écouter B-Side, et on se retrouve tout de suite après. Les amis, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Backstage, les coulisses du son. Seen the sun, this sounds crazy. The story about a boy in the rain. He was standing waiting for the light, as though he did have a reason to know. Did he really know? His eyes were open, they expected someone. In his heart he felt the compass was turned on. I will echo, oh, for the reasons that changed me. Every thought, though it takes so long, is master with every plan. It would seem there is no end to the bad or the goodness in man. So my friend, it seems the weariest night just leads to a heavenly dawn. Should we see so much in every time we sigh? Even this week of cold music, as that would match my body connection. Let me take your hand, I will be beside you, beside. Fate, I see it again and again. Voilà, donc c'était le troisième extrait, B-side, donc de John Evangelis, The Friend of Mr. Cario. Alors, on va continuer, on va d'abord prendre des points de repère, comme je vous ai dit, hein, 1981. Donc en 1980, nous quittait aussi le 11 mai, Bob Marley, chanteur jamaïcain de reggae. Le 23 février, échec d'une tentative de coup d'état militaire en Espagne. Le 14 octobre, le prix Nobel de la paix est attribué au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, je continue sur Monsieur Vangelis. Hein, on en apprend des choses. Hein, Aphrodite Child fait partie de quelques dates pour Yes. Ça fait drôle quand même. Hein. Alors, confirmation du succès depuis 1982. En 1982, Vangelis remporte l'Oscar de la meilleure musique du film pour Les Chariots de Feu. Le thème principal a culminé en tête du palmarès américain et européen durant un an après avoir occupé la première place pendant une semaine. C'est durant cette même année qu'il a commencé à travailler avec le réalisateur Ridley Scott pour Blade Runner, avec Harrison Ford, si vous vous souvenez. Un super film, d'ailleurs, il y a même... bientôt une suite qui va arriver. Ils travailleront par la suite ensemble pour 1982, Christophe Colomb, c'est un film magnifique que je vous le conseille, avec Monsieur Depardieu. Donc, en 1992, il a également composé la musique de plusieurs documentaires sous-marins du commandant Jacques-Yves Cousteau. Il reçoit en 1989 le Max Steiner Award pour l'ensemble de ses bandes originales et il devient membre du jury pour le Festival de Cannes en 1991. En 1992, la France l'a fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Cette même année-là, il sort la musique du film 1492, Christophe Colomb, Conquest of Paradise de Ridley Scott, et compose la musique du film Lune de Fiel de son ami Roman Polanski, en collaboration avec son ingénieur du son Frédéric Rousseau. Frédéric Rousseau, Mitodea, orchestra plus qu'électronique, sorti en 2001, fut à l'origine écrite en 1993 et fut utilisée pour la NASA comme thème des missions vers la planète Mars en 2004. Il revient à la musique de film après plusieurs années d'absence en composant la bande originale du film d'Oliver Stone, Alexandre, donc ça aussi qui est vraiment magnifique, je vous le conseille aussi. Vangelis obtient le WSA Public Choice Award pour la bande originale d'Alexandre en 2005. En 2007, il compose la bande originale du film El Greco, l'astéroïde 6354 de la ceinture principale porte le nom Vangelis à son honneur. Je continuerai la suite après. On va s'écouter le quatrième extrait de cet album qui s'appelle tout simplement The Mayflower, donc de l'album John Evangelis, The Friend of My Cario, qui est sorti en 1981. En couleur, en concert, sur RQC. See light. looking for a The Mayflower sailed from Plymouth westward, carrying the pilgrims in search of a new land. In stardate 27H, year minus 33, location Earth, 60 degrees polar star west, the Mayflower was launched into space in search of a new land. Voilà donc, c'était le quatrième extrait, The Mayflower, de John Evangelis, extrait de l'album The Friend of Mr. Kerio. Alors, les petits points de repère, ils sont encore là. Hein. Le 6 octobre, Anwar El Sadat, homme politique égyptien, est assassiné. Le 16 mai, élection de François Mitterrand, président de la République française, président français donc. Le 22 et 23 octobre, conférence nord-sud de Cancun pour la coopération internationale et le développement rassemblant 22 pays. Ça, c'était en 1981, bien entendu. C'est nos petits points de repère qu'on retrouvera maintenant dans chaque émission. Alors, en 2012, il compose la bande originale du documentaire Trashed de Candidat Brandy et compose de nouvelles musiques pour le spectacle sur scène tiré du film Les Chariots de Feu. Le morceau title de la bande son du même film est utilisé lors des Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres pour la remise des médailles. Il est également diffusé lors de la cérémonie d'ouverture. Les Chariots de Feu est aussi apparu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2012, jouée par Mr. Bean, Rowan Atkins, dans une parodie où celui-ci, ennuyé de ne devoir jouer qu'une seule note tout le long de la musique, se met à rêver de faire partie des coureurs et de gagner la course. Le visage de Rohan a été ajouté numériquement dans le film pour certaines scènes, tandis que les autres ont été tournées spécialement pour l'occasion. En 2014, il compose la bande originale du film Crépuscule des ombres, dont le sujet est la guerre d'Algérie. En 2015, il donne son accord pour composer la musique du film Cézanne et moi de Daniel Thompson, mais doit finalement abandonner le projet. En 2016, sort l'album Rosetta, composé pour la mission de la sonde Rosetta lancée par l'Agence spatiale européenne en 2004. Et dont la mission s'est achevée le 30 septembre 2016. Il faut savoir que pour les instruments de Vangelis, multi-instrumentiste, Vangelis joue entre autres du djembé et de la dobrouka. Il a joué avec de très grandes quantités d'instruments électroniques différents, orgue tout d'abord, puis synthétiseur et échantillonneur. Ensuite, on peut noter particulièrement deux instruments très caractéristiques de sa musique entre 1977 et 1986. Il s'agit du synthétiseur analogique polyphonique Yamaha CS-80 et du combiné String Ensemble Vocoder Roland VP330. Vangelis utilise aussi beaucoup de pianos électroniques Rhodes donc, et Yamaha, un peu plus rarement les pianos acoustiques, ainsi que de nombreux instruments à cordes, guitares et harpes notamment. Et des vents, Vangelis utilise aussi des façons extensives de percussions orchestrales diverses qui forment les ponctuations de sa musique et compose ainsi de la musique vocale. L'effet de studio qu'il utilise le plus est l'unité de réverbération Lexicon 224. Après, je vais vous parler de Friend of Mr. Carrier. Là, on va s'écouter justement le titre éponyme de cet album, The Friend Mr. Of Kerio. C'est tout de suite, c'est maintenant sur RQC 95 FM. Vous écoutez Backstage. Okay, this is the picture. Johnny's been hurt. Too bad. Leave him here, honey. We gotta, he won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care whether he talks or not. I just can't leave him here like this. Listen, come here. I can handle it. Oh, Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. We're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Smug, we got 3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it. Game, as in the book Mickey Spillane. That's how Vice City. Best part for the best rendition. Al Capone sent to prison. Citizen King came fast and quickly conquering all New York City. Poking fun at superstition. Media became television. Give me Cagney any day, or Jimmy Stewart or President. Edward G and all those guys who always shoot between the eyes. Between the eyes. So you got me in it. What about her? Don't worry about me. I'm okay. Very magnanimous. Very magnanimous indeed. You mean you are going to make us an offer we can't refuse? Silent night and I guess a lonely mind might see. I've seen love on the screen. I've seen a screen goddess and me. Voilà, voilà, donc très très bon morceau, mais très long, donc on va un peu l'interrompre. Hein. C'est My Friend, The Friend of Mr. Cario de John N. Vangelis. Alors, on retrouve un peu nos points de repère. Le 29 octobre aussi, Georges Brassens nous quittait. Le 13 décembre, état de siège en Pologne. Et le 11 décembre, élection de Javier Pérez de Quiera au poste de secrétaire général des Nations. Alors, pour vous parler un petit peu de The Friend of Mr. Cario, il est sorti en juillet 1981, enregistré au studio Davout à Paris, Nemo Studio à Londres, donc c'est le studio de monsieur Vangelis, hein. C'est du genre de la musique électronique, donc c'est de la New Age, comme on appelle ça, la New Age, et c'est produit par Vangelis, et c'est sorti sur le label Polydor. The Friend of Mr. Cario est le deuxième album studio du duo John and Vangelis, composé du chanteur John Anderson et du musicien Vangelis, sorti en 1981, sorti un peu après et en même temps que la bande originale du Chariot de Feu de Vangelis. Ce deuxième album de John and Vangelis est bien plus cohérent que le premier et présente des morceaux plus élaborés, tels que The Mayflower ou The Friend of Mr. Cario, qui semble scénarisé et présente des passages avec des narrations ou des dialogues. La chanson State of Independence, qui lorgne vers la world music, sera reprise en 1982 par Donna Summer, qui en fera un succès. Je prends mon autre feuille, c'est pour ça qu'il y a un petit temps. Le single extrait de l'album de la chanson I'll Find My Way Home, non présent sur le premier pressage à pochette blanche de cet album, cette chanson fera l'objet d'une reprise dans le style rock gothique par le groupe Project Pitchfork. La plus longue piste et la plus remarquable, The Friend of Mr. Cario, reprend directement des sons et dialogues du film Le Faucon Maltais. Joel Cario, Mr. Cario, est le nom du personnage joué par Peter Lorne dans le film. Des bruitages de klaxons et des crissements de pneus semblent provenir du film Get Carter de 1970 et auront été échantillonnés pour la chanson. Le morceau commence par ces bruitages, puis se poursuit par le coup de feu avant d'introduire le dialogue de Peter Lorne et d'Humphrey Bogart. Les parties instrumentales du reste du morceau sont proches du rock progressif. L'ensemble est comme un hommage au film hollywoodien des années 30 et 40. On va s'écouter, après je vous donnerai le détail de l'album, on va s'écouter le sixième titre avec Back to School de John Vangelis. Donc, et après on se retrouve tout de suite après les amis. Backstage, les coulisses du son.